Chapitre 3. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. « Changez de vie, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. » Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Le vêtement de Jean était fait de poils de chameau, et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière du Jourdain, venaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés, et Jean les baptisait dans la rivière du Jourdain. Quand il vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour se faire baptiser, Jean leur dit « Bande de serpents !» Qui vous a enseigné que vous pourriez échapper à la colère divine qui va venir? Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de vie, et ne pensez pas que vous n'avez qu'à dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre », car je vous déclare que Dieu peut utiliser ses pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise avec de l'eau, pour montrer que vous changez de vie. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même assez bon pour enlever ses chaussures. Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car c'est de cette façon que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. »